police à cause. Bon, t'as que le USB est toujours pas chargé. Hein. C'est le bordel. Ouais. Ça, on ira sur bord de camp. On a du vieux matériel. Oui, la bande du camp. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Campus 106,6. C'est Pyongyang Stirokers numéro 287. Waouh. Ouais. Avec le grand retour de Maître Gaël. Bonsoir à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Alias GL Kim Yong Hoi. Voilà. Et puis il y a Val à côté de lui. Vladimir Poutine. C'est marrant, je t'ai pas mis ton micro. Il marche pas ton micro ? Bah je sais pas. Il est où mon micro ? Bah il est là. Bah, il est là mon micro. Oui voilà, bah, il fonctionne. Il fonctionne. C'est ouais, une toute tout petite fait. Voix. Émission deux parties ce soir. Premièrement, on va vous narrer quelques petits trucs, nouveautés ou pas nouveautés d'ailleurs. Et puis vers 19 vers 20h20, l'horloge n'a pas été mise à l'heure. vers 20h20, nous aurons un invité surprise, pas tout à fait surprise quand même. Michael, un Américain qui vient des Amériques et où il va nous raconter des histoires d'Américains. Et puis peut-être aussi pousser la chansonnette avec son cordéon, comme disait Raoul. ouais. Et puis il y a plein de trucs, je pense, à raconter aussi sur comment que ça se passe par là-bas. Pour l'instant, la nouvelle sensation lilloise, Arsou, qui ont un nom qui ne fleure pas bon Lille, mais plutôt R sur la lisse, Skip. Arsou, ça veut dire quelque chose. Bah, c'est Arsouille sans le lieu. Non, c'est Arsou, ça veut dire être bourré. Ah ouais, je suis complètement Arsou. Voilà. Arsou, ouais, c'est ça. Et puis, donc voilà, tout le monde attend de pied ferme leur premier concert. Pour l'instant, ils n'ont sorti que 4 titres, mais quels 4 titres sur leur Bandcamp, Arsou, lille.bandcamp.com. Voici La Rue par Arsou. Connu le chanteur et le bassiste. Ouais, le bassiste, c'est facile, hein, franchement. Le chanteur aussi, c'est facile. Oui. Bon. Mais on dira pas les noms, ils aiment pas quand ils disent leur nom. Non, faut pas le dire. Voilà. Non. Faut rien dire. Faut dire ce qu'on peut dire. Faut dire Arsou. On peut dire. Voilà. Ouais, mais t'as dit qui c'était ? Arsou ? Ouais. RSO. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la semaine prochaine, vendredi prochain, Non, samedi prochain. Le 8, à Gorin-Ramecroix, à côté de Tournai. Au bout de nos rêves, c'est le nom du rad, il y aura un concert punk oi organisé par une nouvelle association franco-belge ou belgo-française, choisissez, avec un groupe qui vient de Navarre, donc une partie du Pays Basque, et un groupe qui vient de Paris, donc une partie de la France. Et ils joueront... Mais vraiment une partie, hein. Ils joueront pour 8 balles à partir de 20h. Ouverture des portes 19h. Bout de nos rêves, maintenant, c'est un peu une salle, on va dire, incontournable de la région. Oh. Parce que maintenant, à Lille, il n'y a plus grand-chose. Donc on doit s'ouvrir un peu si, à la Braquer. Aux villes frontalières. Et donc, il y a le Récidive qui viennent de Paris, qui vous avez peut-être entendu si vous vous êtes procuré la compilation Paris en œil, qui est une super compilation qui regroupe tout ce qui est musique à cheveux courts de la scène parisienne. Et donc ils viennent à tourner, on va écouter un morceau. J'étais déçu d'ailleurs, les gens ils ont des cheveux dessus, vraiment. Enfin, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. On dirait mou. Il n'y a pas que des skins dans le groupe. Ouais. Et tant mieux. Enfin, je parlais de la compil. Après, ils sont tous habillés pareil, les skins. Ouais. C'est chiant. Donc je vous propose d'écouter un morceau qui s'appelle Idées Noires. Donc extrait de cette compilation. Ils viennent de sortir aussi il y a peu de temps sur Une Vie Pour Rien, un deuxième 45 tours, qui fait suite forcément au premier 45 tours qui date d'il y a 2-3 ans. Voilà, Récidive qui tourne beaucoup plus qu'il n'enregistre. Et ce serait con de les rater la semaine prochaine, donc samedi 8 avril, au bout de nos rêves, à Gorin-Ramecroix, chaussée de... Grand route, 141. C'est la route de Leuze, quoi. Voilà, ouais. C'est la nationale qui va à Leuze. Ouais, bah oui, attends. Ah. Et il y a une sortie d'autoroute où il y a écrit Gorin-Ramecroix, donc vous pouvez pas vous planter. C'est fou. Récidive, idée noire. Ils sont forts, les Belges, tu sais. Pyongyang City Rockers, Radio Campus Lille. Oui. Bon, on va combler le temps qu'on trouve. Le morceau basque de Ikustezin, qui est un morceau de Streetwise. Streetwise qui accompagneront pendant 4 jours sur la tournée Récidive et donc seront aussi en concert samedi prochain au BNR. Streetwise viennent de Pamplune à Irunia. J'ai eu l'occasion d'aller à leur salle de répétition et je peux vous dire qu'ils sont ultra chauds. Première tournée européenne pour eux, première fois qu'ils sortent du Pays Basque. Ils ont peut-être été une fois dans la mer capitale de l'Espagne, mais la pour mer eux, capitale. Ils préfèrent l'oublier. Et c'est pour eux un grand, même il y en a même un qui a jamais été en France du tout. Pourtant ils habitent vraiment pas loin, quoi. Et alors en Belgique. Donc ça va être une grande première pour eux. On a hâte d'aller les voir la semaine prochaine au BNR. Samedi 8 avril, c'est Streetwise avec le morceau Ikustezin qui veut dire invisible. Il me croit pas quand je dis que c'est fini. Hein. Ça va, tranquille. Oh, ouais, si la clé USB avait fonctionné, on n'aurait pas eu les du clip. Bon, on va changer. Bah, merci YouTube quand même. Hein. Ouais. Donc rendez-vous le 8, le 8 avril. Ouais. 8 avril, ouais. Et Streetwise viendront présenter un nouveau single qui va sortir sur le label dont on a déjà énormément parlé ici à Radio Campus, Tough Ain't Enough, qui sera accompagné d'un label basque qui s'appelle Cassette Ecoy Spenac et d'un label franco-belge qui s'appelle Mawashi Skins Records, bon, qui signe ici sa première production. Et moi, mon dernier truc avant de passer à notre invité, Michael, qui piaffe d'impatience là-bas dans le coin avec son inviteur Clément. Je vous rappelle la sortie il y a 10 ans, presque jour pour jour, c'était le 25 mars 2013, du premier disque, et je pense le seul qui soit sorti d'un groupe punk syrien. Il s'agit de Mazot, qui venait de la banlieue de Damas. C'était d'ailleurs une des dernières productions du label bien connu Tiananmen 89 Records. Mazot, donc à l'époque c'était des jeunes, ils venaient juste d'entrer en fac, ou alors ils étaient encore dans l'année de leur bac, qui s'appelle en Syrie baccalauréat, quand même, voilà, parce que c'est il y a longtemps ça a été une sous influence française, hein, la Syrie. Et donc par contre, bon, ensuite la guerre s'est développée vraiment de manière extrêmement cruelle en Syrie, comme tout le monde le sait, et ils n'ont dû leur salut que à la fuite, et ils vivent maintenant loin de leur pays, et d'ailleurs très peu de gens savent où ils se trouvent, parce que comme ils étaient déjà marqués comme des espèces d'activistes, rien qu'en étant punk, il vaut mieux rester un petit peu caché. C'est un peu ce qui se passe avec les Russes là actuellement. Ouais, c'est ça. Beaucoup de groupes russes qui ont sorti là une compilation, ils sont tous recherchés, ils sont tous en train de se barrer. Là. Exactement. Et donc l'histoire se répète dans les pays différents, pourvu que ça ne se passe jamais comme ça en France. Pour l'instant aussi, Mazot, ça s'écrit M-A-Z-H-O-2-T, enfin ça s'écrit aussi en arabe, mais je ne veux pas vous le retranscrire. Donc voilà, et puis on peut retrouver leur EP sur leur Bandcamp, mazot.bandcamp.com, et puis voici le titre, justement, j'en parler baccalauréat, où il parle de tout ce par quoi ils doivent passer pour finalement pouvoir prétendre à obtenir ce putain de diplôme, et pourquoi à la fin, pour être obligé de s'enfuir baccalauréat par Mazot. بكالوريا وعم بشعر بالفشل ولينا رومك خيبي بدعمتي غدير لو كل ما لا شغل غير تدرس كتير المعدل بالجامعات صار بالعلالي والكليات الخاصة صار كتير غريب اليوم الواحد عنا أكثر من أستاذ خصوصي واليوم في أحمد ولا عرق سوسي بكالوريا بكالوريا يا يا يا يا شوي كتير زيادة بابا قلع اخواتي وسكت كل الجيران والتلفزيون ببيتنا ما تبين كمان اخدوا مني الموبايل وقطعوا خط التليفون حدا بيسأل عني بيقولوا له هون لا طلع ولا فوت ولك لحتى نومي برنامج محدد تستاهي معدومي بكالوريا بكالوريا يا يا يا يا Mazot avec baccalauréat sur Radio Campus, émission Pyongyang City Rockers. Eh bien, nous avons en face de nous Clément qui nous a ramené un sacré babos, comme il nous dit. Michael, hello Michael. Et donc, tu vas pouvoir un petit peu nous raconter, je sais pas, comment t'as rencontré le garçon et puis comment il s'est retrouvé chez toi un beau jour. Mais d'abord, faut que je mette ton micro sur on. 1, 2, 1, 2, est-ce que tu m'entends, c'est Stéphane? Bon, oui, je t'entends. Super. Allô, allô. Et du coup, bonjour tout le monde. Du coup, on a rencontré Michael sur la dernière tournée de Jodie Foster aux États-Unis. Et en fait, on s'est réveillé un matin, on devait aller à Portland et on n'avait pas de... On n'avait pas de lift, de concert finalement. Ah. Et on l'a appris le matin même. Oh. Et notre label américain nous m'a envoyé un numéro en me disant appelle ce mec-là. Et c'était Michael. Et du coup, j'ai appelé Michael en lui disant salut, comment ça va, est-ce que tu n'aurais pas un concert pour nous? Et non seulement il nous a trouvé un concert, mais le concert était vachement bien. Et je pense qu'on en avait parlé parce que c'était le fameux concert d'Halloween avec les groupes de ska punk. Et du coup, j'ai rencontré Michael. Il était déguisé en alien ce c'était jour-là. Celui dans le jardin du maison? Non, c'était dans un bar. C'est le seul endroit où on a eu de la bouffe et de la boisson, alors que c'était le midi même. Et puis ils nous ont filé des sous et ils nous ont trouvé un hébergement. Enfin bref, excellent. Voilà. Et du coup, Michael m'a renvoyé un message il y a pas longtemps me disant qu'il allait passer en Europe et qu'il voulait voir les lieux intéressants et les lieux autogérés anarchistes. Et du coup, je l'ai amené chez les skins. Il est un peu déçu, je vous le cache pas. Et voilà. Et du coup, hi Michael, nice to have you here. Donc il est bien content d'être là avec nous et ça c'est cool. Ok, donc je vais faire une double interview en anglais et en français et ça va être vraiment compliqué pour moi parce que j'ai déjà bu plein de bières de la MDE. nice to have you here. How long have you been in Europe for now? So depuis combien de temps t'es en Europe là maintenant? Yeah, just about 2 weeks, a little over 2 weeks. Yeah. Okay, so il est arrivé il y a 2 semaines. And where you've been so far? So I started in Berlin, and then I went to Leipzig, and then Brussels, and now I'm here. Okay, donc il est allé à Berlin, Leipzig et Bruxelles. And I think you've been playing some shows. T'as joué des concerts déjà? Yeah, I've been playing a few shows. I played at a few squats in Berlin, the Fischladen, right. Classic Fischladen, and then Leipzig. I played at the Stu, and it was it's like a whole block of squats and anarchist spaces. And then most recently, I played in Brussels at this place called Le Clef. Okay. Le Clé? Yeah, pardon. And my French is non-existent, so thank you. that was also a occupied space that was used as a social center, and it was a really cool environment. Ok, du coup, il a fait pas mal de squats et de lieux autogérés dans toutes les villes qu'il a traversées jusque-là. Il a réussi à faire 5 concerts depuis qu'il est arrivé, ce qui est quand même... pas mal pour quelqu'un qui n'avait rien booké du tout en arrivant. Et il a rencontré des gens cool comme on peut en trouver dans ces endroits-là. You're really living the best European life you could. Agreed. Sa meilleure vie européenne qu'il puisse. Et du coup, on a le plaisir de le recevoir ce soir dans le Pyongyang City Rockers numéro... 287. Il est chaud. All right, so this is the 287th show. Wow. Of Pyongyang City Rockers. Nice. Okay. Congratulations. But we don't have to book them. They are all booked. right. Yeah. Sometimes we have to book the frigo. The fridge. The fridge. Yeah. Oui, parce que pour le... Pour l'anecdote, c'est d'une honte en 55 ans. Je suis sûr que ce frigo n'avait jamais été fermé, mais il faut que ça tombe un ce soir. Un mercredi soir, quand je viens. Bah, super, merci, les gars. Bel esprit. Ok. Michael, I think you're up for a song, maybe? Yeah, sure. Yeah, would you play like a song. What would you like to play? I think I'll start with this song about addiction and just dealing with addiction, and I think it plays a lot into like the anarchist scene of just being of healthy mind for resistance and just trying to, you know, promote that, and as far as like harm reduction and you know, inclusivity and not pushing people away for addiction or whatever is going on, and kind of pushing you know, kind of sharing my own experience through that. And yeah, the song is called Quick Fix. Okay, so du coup, Michael va nous jouer un premier morceau qui s'appelle Quick Fix et qui parle des addictions, et notamment des addictions dans la scène anarchiste, et du coup se pose des questions sur le fait d'avoir un esprit clair pour la résistance et en même temps d'être de ne pas mettre les de ne pas marginaliser les addicts et de réussir à faire fonctionner tout ce petit monde ensemble sans être ni dans le jugement ni dans une reproduction de système d'oppression. Et I didn't even mention the name of your project. So. Yeah, it's called Flores Rain. All right. Donc son projet s'appelle Flores Rain et c'est tout de suite en live dans le Pyongyang City Rocker numéro 287 sur Radio Campus 106,6. Well, looking at a lie, I'm trying to get high, I tell no one and I try to hide, making excuses all the time to justify, setting all aside. I try, yeah, I try to hide what's inside, what's outside, yeah, it's eating at my body and my mind. Well, I use it to focus, I use it to relax, I use it to calm the sudden attack. When I'm flying high, my problems remain more complex than what meets these eyes. And I just want to die, and I just don't know why. And I'm trying to get by, yeah, one day at a time. And I try to hide what's inside. Well, I keep it inside. And I try, but it's eating at my body and my mind. Well, the anxiety, stress, and shame, they're finding their way into my crowded brain. My spirit breaking with every hit. I'm so fucking tired of this. And I just want to die. And even the ocean isn't the same with the storms growing near. They're made from my worries and my fears. Yeah, they're made from my worries and my fears. And I can see my enemy, and guess what? It's looking an awful lot like me. Whoa. Sorry about that. Okay, so yeah, it's like it's unusual that there are bands in France that use accordions in the punk scene, but it's not like that many of them. Mm-hmm. And I kind of feel that you have you do have a punk feel to your music, but you also into folk stuff, am I right? Yeah, a lot of sorry, folk I just punk. Translate that. Oh yeah. Donc je lui disais qu'on avait pas forcément énormément de groupes à accordéon dans la scène punk, même s'il y en a, mais qu'en tout cas ceux qui sont chez nous sont peut-être pas dans les mêmes veines exactement, et qu'il y avait il y a vraiment un côté punk dans sa musique, mais qu'en même temps il a un espèce de feeling un peu folk ricain, enfin qui est très ricain je trouve. Et voilà, so yeah, just yeah I grew up listening to a lot of punk and being in punk bands, and kind of made a transition a little bit. I mean, I still listen to punk and play in punk bands, but kind of a transition to folk punk just due to accessibility and you know, you can play a show anywhere for, you know, just about anyone. The it's a little more tolerable to some folks, you know, in some ways. But so you kind of use it as a way to transmit messages. Yeah. That would maybe not reach as much people as you would do in a hardcore band or something. Sure. Yeah, okay, exactly. But... You know, and a little bit more palatable, I guess, depending on the band, obviously. Okay. There's a lot of shitty folk punk bands that sound like garbage, but that's fine. You know, that's why. I mean, I love punk, and it just kind of encompasses a lot of different things. And, you know, it's not all about the sound. It's about the message. And, yeah, I just stand behind that a lot. And, yeah, it's just been, yeah, a big part of my life as far as, you know, just having punk in my life consistently, as well as, you know, anti-fascist views and using that, you know, as an outlet, you know, just this as an outlet, you know, for that. Donc il nous explique qu'il a grandi en écoutant beaucoup de punk et qu'il a joué dans des groupes de punk et que la vie aidant, il s'est retrouvé à faire une transition vers le folk punk pour à la fois des questions de facilité à jouer un peu partout, à sortir son accordéon et à pouvoir jouer dans n'importe quelle rue, n'importe quel bar, n'importe quel squat. Et qu'en même temps, il trouve... de se faire inviter dans des concerts alors qu'il arrive d'un pays étranger, d'un autre continent, et il n'y a rien prévu et c'est bon. Et du coup, il disait que en même temps, il trouvait que c'était vachement intéressant en tant qu'anarchiste et qu'antifasciste de jouer une musique peut-être un peu plus accessible, qui pouvait toucher, pour que ce qu'il a à dire et ce que le message qu'il a envie de transmettre soit peut-être mieux entendu par des gens qui seraient rebutés par la musique de Sauvage, par étiquette hardcore. Ouais. Et voilà, et du coup, il dit que ça l'a, depuis qu'il s'y est mis, c'est vraiment devenu sa manière de lutter via sa musique. Ok, cool. And what about the themes you address in your songs? You've told us about addictions, but yeah, what is the you mentioned anti-fascism maybe? Yeah, I have. Sorry, quels sont les thèmes que tu abordes à part l'addiction? Tu as parlé d'antifascisme. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus. Yeah, I have a few themes. This is kind of a newer project for me, writing my own music and playing it. Usually I play in bands like bass, drums and stuff. So this is kind of a newer thing. But yeah, definitely I have a song. It's called A Better Way. And it's about, you know, the struggle of stress and also, you know, it seems like the world's crashing down and then trying to... Also, you get this other force of the right coming in to, like, push their views and their ways, and it's, you know, not necessarily, obviously not what I'm about or what I'm seeing, you know, the future world to be. Mm-hmm. So it's hard to, and also repeated cycles of that throughout history, so it's like I don't want that to happen again, and as far as... And it's hard to cope with such an anxiety feeling. Right, yeah, definitely, the anxiety feeling of it, and... yeah, you know. So it kind of addresses mental health and anti-fascism at the same time. Yeah, definitely. A lot of that because, you know, you can't really fight if you're not well. So it's hard to, you know, put up a resistance if you're not mentally sound or, like, taking care of yourself and your comrades and folks around you, you know, that you care about. Du coup, il nous explique que il a d'autres morceaux qui parlent de la manière dont lui voit le monde et dans la manière dont il voit des cycles se répéter et des cycles de droitification se passer et comment on arrive en tant qu'anarchiste à ne pas céder à l'angoisse et au stress de se retrouver dans cette situation et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut essayer de mettre en place pour pas sombrer dans la sinistrose et à quel point pour lui c'est important d'être de réussir à maintenir une certaine positivité face au monde pour être aussi un bon camarade et un bon militant. What about the state of the US right now? Because to us European leftists, it feels like it's pretty evil in general. So it kind of, well, I've been there and I've seen a really strong and really joyful scene of young people that are not here to fuck about. And at the same time, it's like probably the worst liberal country in its full horror that he is to be known today. So how do you feel about being a US citizen, and how do you feel about the possibility of anarchist resistance in the US right now? Yeah, I mean, especially, you know, the last administration, the Trump administration, he should not be named, but, you know, really brought about a lot of right-wing groups, and with that came a lot of resistance and protest and, you know, like actions and a lot of stuff I'm involved with is like environmentalism stuff or indigenous solidarity. So like, yeah, I mean, I could see it like going downhill really quickly, you know, as most empires do. And it's hard to see, but it's also a beautiful thing because with that comes change. And yeah, I'm hoping that, you know, a lot of folks will kind of become more involved in anarchist movements and, yeah, just try to move forward with that, not like necessarily in any, you know, major theory that's happening now, but like as far as anarchism goes, because there's a lot of different, you know, theories of it being practiced, and I don't necessarily agree with all of them, so it's kind of hard, and no one really does, so it's kind of hard to come together. But I think there's like a common goal that a lot of folks that I'm, you know, organizing with have, and it's of like, you know, preserving the earth as much as possible. Donc je lui demandais ce qu'il en était d'être un jeune anarchiste aux États-Unis, parce que c'est quand même un pays vraiment ultra violent et à la pointe de tout ce qui se fait de pire comme dans la ligue ultra libérale. Tu as parlé de la façon dont nous autres gauchistes européens voyons les États-Unis, c'est comme le mal absolu, quoi. C'est vrai. J'ai dit ça, c'est vrai. Et du coup, Michael nous disait que effectivement, la dernière administration de celui dont on ne peut pas prononcer le nom, donc le président d'avant, hein, a vraiment exacerbé les tensions et fait sortir du bois les pires groupes fachos les États-Unis sont capables de produire, et on sait qu'historiquement ils sont bons en salopards. Et il disait qu'en même temps, une action entraînant une réaction, il y a eu aussi tout un mouvement de jeunesse qui s'est levé un peu comme en Europe finalement sur à la fois les thèmes antiracistes, anticapitalistes et écologiques qui sont autant de groupes qui se sont un peu structurés. Et il en expliquait que comme chez nous, en fait, c'est la convergence des différentes chapelles n'est pas toujours simple à obtenir, mais qu'en même temps, il avait l'impression que l'urgence climatique faisait aussi que les gens prenaient conscience de la nécessité d'aller avec ses alliés objectifs vers un but un peu meilleur, enfin de rendre le monde un peu meilleur. Ok, that was a long time French speaking for you, sorry. That's okay. But I tried to be loyal to what you said. Maybe you could play us that song you were talking about. Sure. If that's all right with you. Yeah, definitely. All right, cool. Let's go for it, man. The song's called A Better Way. Okay. Well, these folk songs here of mine. They're a reflection of these times, and it's these stories I must tell that keep me sane and out of jail cells. I remember sitting with a gun in my hand, wondering when this will all end. But now I'm living for so much more, yeah, trying to love myself and be a better friend. 'Cause tomorrow is no guarantee, this life is much more than we see. So never give up, we gotta take our voices to the streets. Well, these days are so long, struggling with fear and my ADD, and I can't find the words to speak. No, I can only scream, 'cause the system is a disease, and I just can't sit still, and it's eating at our hearts, and we're, yeah, we're trying to heal. 'Cause tomorrow is no guarantee, we are stronger than we think. So never give up, we gotta take our voices to the streets. I know there is a better way through the dark, dark woods, and I can see a light shining. I would be there if I could, but right now we're drowning, and it's too much to bear. So I'll sing this song of my dreams and mine, yeah, mine. Tomorrow is no guarantee, these prison systems are obsolete. So never give up, we gotta take our voices to the streets. Yeah, tomorrow is no guarantee, we are stronger than we think. So never give up, we gotta take our voices to the streets. Yeah, tomorrow is no guarantee, this life is much more than we see. So never give up, we gotta take these voices to the streets. Yay. Woo. Bravo. Thank you. Bien. Merci. Ok. You've mentioned. Attends, on va dire un truc. Ah, vous êtes bien sur Radio Campus, 106,6, et c'est l'émission Pion Gangsta Rockers numéro 287 jusqu'à 21h. On est obligé, il y a 44. Ouais. Voilà. Et moi, j'étais parti, tu sais. Ok. So, yeah, you've mentioned indigenous solidarity. Yeah. Could you. I know that you've spent some time in an Indian reservation, and maybe. Well, that is something that. We are really not used to, because obviously there is an history of ghettos in Europe, but not to that extent, I guess. And that is fucking wild to us. So, yeah, could you explain us a little bit, if that's all right with you, what you've been doing there and what it's like, and what did you experience? There. So, donc je lui demande ce qu'il a mentionné, la solidarité avec les Indiens, avec les autochtones, et je sais qu'il a passé du temps dans une réserve indienne, une réserve Sioux, et du coup je lui demande un peu ce qu'il en est, parce que c'est quand même quelque chose qu'on ne connaît pas du tout et qui paraît assez dingue vu d'Europe, même si on a aussi une certaine histoire. On a pas mal de Sioux en France aussi. Ah, et puis on a une petite historique de ghettoisation de certains quartiers à différentes époques et pour différentes raisons. Donc quartiers considérés comme des réserves, des fois. Ouais, voilà. Tout à fait. Donc basically, you know, folks were just shoved into this area, you know, I mean, similar to the ghettos, you know, that you all experienced or have knowledge of. And, you know, a lot of poverty. There's, you know, not a very good medical system there. You know, it's like totally separate. I've played a bunch of benefit shows for folks, different tribes throughout the U.S. And one major movement I was involved in was Standing Rock, which was a resistance of a pipeline going through indigenous sacred lands in 2016. And with my previous band, Dogtooth and Nail, we started in Portland, and we toured out east, raising money and awareness and collecting supplies for the resistance that was going on there. And we saw, you know, a huge turnout of folks in these small towns, not you know, not reservations, but we played like, you know, regular cities. Mm-hmm. And we were able to, like, you know, I had like a minibus, like a school bus, and we drove that there. And to each show, we had an open mic kind of thing. So where we would play our set, and then we would let the community kind of speak and express themselves about their frustrations with what's going on. And that was really beautiful as far as bringing awareness and letting people take part from afar that weren't able to actually go there. So they were able to give money, or, you know, we brought art to sell, and they, you know, bought art, and they gave supplies, winter supplies, like sleeping bags and shit like that. Mm-hmm. And yeah, so that was really cool. And when we got there, it was really crazy. We were we spent about a week and a half there, and it was this huge camp. There was a few different camps that we were at, but every day we would load this bus that I had with like 40 people or so, as many we could cram in the bus, and drive to the major city where we were. And they would we would hold actions, mostly prayer, that was all indigenous led. And basically like white allies would circle the indigenous folks and just protect them from the police, because there was huge police resistance to it at the time. And yeah, it was really amazing to be part of that resistance, as far as seeing normal everyday folks coming together and protecting these folks, you know, and mm-hmm. trying to offer solidarity and you know, give what they can in as far as you know, money or supplies or even their time and their mm-hmm. bodies, you know, on the line for this. And a lot of people got arrested, and you know, there was constant, you know, resistance from even the construction workers that were working there. They were like shooting guns and just being crazy. But that was just one of the many, you know, resistance that does happen as far as indigenous folks. You know, mm-hmm. they've been doing it for 500 years plus. And yeah, it just felt good to see, you know, folks, you know, normal. Yeah, coming together folks. And just fight yeah. back. Yeah, exactly. Ah, ouais. Being able to come together. Eh bien, du coup, il nous dit que en fait, il a joué dans, il a fait des concerts de soutien dans plusieurs tribus à travers les États-Unis, mais que son le moment où il a passé le plus de temps et qu'il a donné le plus d'énergie pour soutenir la cause indigène aux États-Unis, c'est l'épisode de Standing Rock. Is that correct? Mm-hmm. En 2016, où en fait les compagnies pétrolières voulaient construire un pipeline à travers une terre sacrée des Sioux, et que du coup forcément il y a eu un mouvement de résistance assez conséquent à ce niveau-là, et qu'en fait il a, avec son ancien groupe, ils ont monté une tournée où ils ont réussi à avoir un bus scolaire, là, les bus jaunes. Oh, et en fait, ils ont fait une tournée pour aller dans la réserve en question. Et à chaque fois, ils jouaient pour récolter des sous et des denrées sous. Et du matériel pour l'hiver, des sacs de couchage, des matelas, etc. Et qu'en fait, ils se sont retrouvés finalement dans la réserve même, où bah du coup ils ont pu distribuer tout ce qu'ils avaient récolté sur la route. Et du coup, il dit qu'il a passé 10 jours là-bas, et que ça a été un moment complètement complètement intense parce qu'il s'est retrouvé à en fait tous les jours il remplissait le bus, il bourrait le bus au maximum et ils allaient dans la principale ville de la réserve pour faire des actions sur place et que ça donnait des... Il dit que ça prenait surtout la forme de prières des Indiens et qu'en fait les Blancs qui étaient là se mettaient en cercle autour d'eux pour faire face à la police qui était surarmée et survénère comme machin et pour protéger l'action en cours des Indiens quoi. Et que ça a été vraiment chaud parce que même les ouvriers qui bossaient sur les chantiers tiraient au fusil, etc. Et que ça a été vraiment un moment très très intense. Et qu'en même temps, comme il le rappelait, c'était qu'un épisode de la longue résistance indienne aux États-Unis, puisqu'ils font ça depuis plus de 500 ans. Et que c'était en même temps super, ça donnait énormément de force à tout le monde de voir autant de gens se réunir. Et pas se laisser faire malgré le fait qu'il soit parqué dans des endroits où la pauvreté et l'absence de soins rend la vie extrêmement compliquée quoi. Well, that was intense. Il fait bien, hein, il traduit bien. You're doing great, thank you so much. No worries. T'as pris la bio avant, non? Non, même pas. Non, je découvre en allant. C'est compliqué. Ok, je suis à court de questions. Vous avez des questions? No, but there's one thing people can listen to on the Bandcamp. It's your Bandcamp, Flora's Rain, with a PAZ Ranch Sessions. Mm-hmm. What's that? It's the sessions you did when you were on the reservation. No. So this was this is more recent. This was at just a buddy's ranch in Northern California, and it was just some friends of mine. We got snowed in for like a week and I made them learn my songs and play them. And there's a few tracks of mine, one track of my buddies that's a cover. And then we did like another kind of weird experimental, weird track thing. But yeah, that's more of a kind of not so political stuff, but you know, yeah. The other band though, definitely Dogtooth and Nail. That's dogtoothandnail.bandcamp.com. That has a few songs that me and my past partner wrote while we were at the reservation or, you know, inspired by that action. Mm. Ok, et du coup, les Paz Sessions, c'est il y a un truc qu'il a enregistré récemment avec des copains à lui dans un ranch de Californie du Nord où ils se sont retrouvés sous la neige pendant une semaine et du coup il a fait apprendre ses morceaux à ses copains et puis ils ont jamé le truc et ils se sont retrouvés à enregistrer ces quelques titres. Il dit que c'est pas spécialement des chansons politiques mais que et bon, on sent la même énergie là-dedans que ce qu'il a mis par ailleurs dans ses groupes précédents. We're getting close to the closing time, so maybe if you'd like to play one last song, that sure. would be. J'en profite quand même pour. Je fais un peu de com, mais ça reste dans le thème. Demain, il y a Jody qui joue au Black Lab et c'est tout ce que je dis. Ouais. Et c'est tout ce que je dis. Et avec Burning Gates, on peut quand même saluer les copains de Burning Gates, mais je vous dis ça parce que. No Use for a Name, non? Non, on trouve toujours entre les deux. Mais je vous dis ça parce que on s'est arrangé pour laisser une place sur notre merch à Michael qui par ailleurs dessine et du coup il aura des dessins en exposition. Moi je veux savoir, il sait tout faire. Il va faire des concerts aussi. Il va aussi jouer le 2 donc samedi. Mais c'est dans une maison. Do you know where the house is on Saturday? I don't. You have a name or something? I don't. Du coup, vous irez suivre l'Instagram de Flores Rain et il vous donnera toutes les indications. Ouais, vous appelez Clem au 06. Instagram. Donc, il joue à Lille dans une maison ce samedi et il sera demain avec nous au Black Lab pour vendre ses dessins. What is that last song you're going to play and is it under 4 minutes? I think so. Okay, cool. Yeah. So you have like 30 seconds to tell us what it's about. Okay, this next song is about grief and experiencing loss in community and personally. And yeah, just trying to express that. Okay. C'est une chanson sur le deuil et la perte d'être cher, que ce soit dans la communauté ou personnellement. Safety Flores Rain sur le Pyongyang City Rocker sur Campus. Ah, 106,6. Merci. Let's see. 1, 2, 3, 4. Will the feeling... Whoa, that was off. Okay, hold up. 1, 2, 3, 4. Will the feeling... Oh my goodness. Pardon me. Let's see. Here it is. There it is. Well, the feeling's back again, and it never seems to go away. When I see your face in the clouds, I know there's gonna be rain today. And as it all comes down on me, I wonder when the pain will end. Well, some days are easier than others, but today I can't pretend. Cause I'm crying in my car again, on my way to work, trying to keep it together. You know I'm trying not to swerve. This life keeps getting harder without the ones I love. Then I find myself cursing, yeah, those selfish gods above. Feeling lost and anxious, angry, tired and sad. I'm overwhelmed with memories of all the good times we had. And as I struggle to keep my head up in this stormy, stormy sea, I've got to ride these waves out before they consume all of me. Cause I'm crying in my car again, on my way to work, trying to keep it together. You know I'm trying not to swerve, but this life keeps getting harder without the ones I love. And I find myself cursing, yeah, those selfish gods above. But I'm crying in my car again, but I know what to do. Yeah, love all those you hold near, don't forget to love you too. Bravo. Oh, bravo, excellent. C'était Flores Rain sur Radio Campus Lille 106,6 campuslille.com dans l'émission Pyongyang City Rockers. Il est l'heure de nous dire au revoir. Merci Clément de nous avoir ramené ton invité. Avec plaisir. Et je pense que le mot de la fin, tu vas l'aimer. On n'oublie pas, comme d'habitude, ACAD sur Spaghetti en Gasmonde. Oh, les groupes de tournée.